Bonjour, je m'appelle Maya et je vais bientôt avoir 12 ans. J'habite chez ma mère, chez Thomas et mon petit frère, dans le 19e arrondissement. Les week-ends et semaines pères, j'habite chez mon père et Capucine, dans un joli village normand. J'ai un chien, j'ai un chat d'un avec des poules et deux moutons de Wesson. Ma famille s'est décomposée, puis elle s'est recomposée. Une moitié à Paris, une autre à la campagne, et la ligne de train de Saint-Lazare, où je fais le trajet d'un bout du monde à l'autre bout du monde. D'un bout du fil à l'autre bout, en suivant le calendrier du tribunal de grande instance. À Paris, j'ai des cours de hip-hop et je suis en sixième. Collège Henri Bergson. Ma meilleure amie s'appelle Louise et on se dit que les grandes personnes feraient bien de grandir et d'apprendre à se dire je te pardonne. Comme nous avec Louise, quand on se dispute, on n'en fait pas des tonnes. Ma famille s'est décomposée, puis moitié à Paris, une autre à la campagne, et la ligne de train de Saint-Lazare, où je fais le trajet d'un bout du monde à l'autre bout du monde. D'un bout du fil à l'autre bout, en suivant le calendrier du tribunal de je m'appelle Maya et je vais bientôt avoir 12 ans. J'habite chez ma mère et j'habite chez mon père, mais je n'habite plus chez mes parents. Ma famille s'est décomposée, puis elle s'est recomposée. Une moitié à Paris, une autre